propre, ni ne s'y opposera. L'œuvre de l'esprit et celle de la chair sont semblables. Ils accomplissent la même volonté, la même œuvre, malgré les qualités différentes. Leurs essences sont identiques. Tous deux ont l'essence et l'identité de Dieu. Car Dieu.